Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Dixième épisode, Barcelone, très loin du front. Après le désastre de Perdiguera, les miliciens apprennent que Largo Caballero est revenu sur sa promesse de livrer à l'Aragon les armes achetées à l'Union soviétique avec l'or de la Banque d'Espagne. Cela signifie que Saragosse, Huesca, Teruel sont abandonnés face aux troupes de Franco. Autre couleuvre à avaler, les milices vont être militarisées, le code militaire et la hiérarchie rétablis. C'est dans ce climat que Jiménez part en permission à Barcelone. Que reste-t-il des avancées révolutionnaires de l'été? Rappelons que l'ordre social a été bouleversé en profondeur en Catalogne avec la collectivisation, en grande partie spontanée, de 70% des entreprises industrielles et commerciales, pour ne parler que des communes urbaines. Là où prévalait le salaire aux pièces, il y a maintenant un salaire hebdomadaire fixe. Les salaires sont légèrement augmentés et surtout égalisés, la semaine ne dépassant pas 40 heures. Il y a des entreprises où le propriétaire reste théoriquement en place, mais où la gestion relève d'un comité de contrôle ouvrier, élu par les travailleurs. C'est le cas des entreprises étrangères. Puis, il y a celles où le patron est remplacé par un comité élu. Et enfin, des entreprises socialisées qui groupent toutes les usines et ateliers d'une même branche d'activité. Par exemple, l'industrie du bois, sous l'égide du Sindicato de la Madera. Pendant les quatre premiers mois de la Révolution, des difficultés apparaissent, surtout liées au manque de matières premières et à la perte des débouchés du fait de la guerre. On ne travaille parfois que 2 à 3 jours, le salaire étant payé pour 4. Des entreprises périclitent et les ouvriers n'ont pas assez pour vivre. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Les collectivisateurs ne s'étant pas emparés des banques, c'est la généralité qui les contrôle, et elle en profite pour exercer une forte pression sur le financement des entreprises. En outre, au lieu de stimuler les commandes locales, le gouvernement catalan passe ses commandes à l'étranger. C'est malgré tout à cette période que la démocratie est la plus complète. Les assemblées ouvrières élisent les comités révolutionnaires locaux et décident de toutes les questions importantes. En octobre 1936, se tient à Barcelone un congrès anarcho-syndicaliste représentant 600 000 travailleurs en vue de socialiser toute l'industrie, coordonner les collectivisations et de ne pas laisser s'établir des collectivités pauvres et d'autres riches. Mais le gouvernement catalan, par le décret de collectivisation de l'industrie et du commerce du 24 octobre, va ramener autoritairement un arsenal de lois et une planification étatique avec l'aval de la CNT. Nous avons vu dans le 7e épisode que 3 anarchistes participent à la généralité de Catalogne. Dans leur déclaration, il s'agit de défendre les conquêtes de juillet contre la bourgeoisie et le capitalisme international. Leur participation va être déterminante dans l'élaboration de ce décret qui limite le rôle des comités ouvriers de contrôle et surtout soumet la collectivisation des moyens de production au pouvoir central. La question se pose de savoir si l'on défend vraiment les conquêtes sociales en les dévitalisant, d'autant plus que 2 jours auparavant, un pacte d'unité d'action entre les appareils anarchistes et communistes de Catalogne est signé, qui s'engage à reconvertir les milices en armée populaire, à liquider les groupes incontrôlés, et se conclut sur ces mots. Nous sommes d'accord pour estimer que la collectivisation ne donnerait pas le résultat désiré si elle n'était pas dirigée et coordonnée par un organisme représentant naturel de la collectivité et qui, dans ce cas, ne peut être que le Conseil de la Généralité. Cela dit, dans les secteurs collectivisés les mieux organisés, c'est au jour le jour que chaque entreprise autogérée cherche des solutions. Par exemple, la collectivité des travailleurs en serrurerie de Barcelone trouve la sienne en contournant le décret du 24 octobre et en obligeant les petits patrons à collectiviser. Ils règlent la question du ravitaillement en matières premières sans rien demander à l'État, en s'associant aux sections CNT des autres secteurs de l'industrie. C'est ainsi que d'août à décembre 1936, la population de Barcelone, soit 1 million de personnes, ne manquera pas de produits de première nécessité. Avec moi, il y avait un autre permissionnaire, Lorenzo Giua. Il était fils d'un professeur de je ne sais plus quelle école de Turin, en Italie. Il avait été envoyé par Mussolini au domicilio Coato, dans une île de la Méditerranée. Lui-même étudiant, il s'était exilé pour échapper aux sbires du fascisme italien. On ne tarda pas à sympathiser. À notre retour au front, on devint presque inséparables. Et pendant de longs mois, nous partageâmes tout ce que nous avions. À notre passage à Bujaraloz, on nous remit une forte somme d'argent, la solde de 3 mois. 10 pesetas par jour pour essayer de nous faire tuer. C'était pas trop mal payé. J'avais bien entendu dire que pour ne pas effaroucher les gouvernements des pays démocratiques, qui pouvaient nous aider en nous vendant des armes, le comité révolutionnaire avait été obligé de remettre en circulation les pesetas. Mais pour moi, ce fut comme une révélation. La révolution avait échoué. Comme en Russie, quelque temps après la victoire des masses ouvrières et paysannes, les chefs du Parti communiste déclarèrent qu'il fallait faire un pas en arrière et rétablir la valeur de la monnaie. Ce premier pas avait été suivi de beaucoup d'autres, et le peuple russe n'avait fait que changer de maître. Après le tsar, père de toutes les Russies, le petit père du peuple, Staline. Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Barcelone ne fit qu'augmenter mon amertume. Les Ramblas regorgeaient de monde. La prostitution régnait en souveraine sur la grande ville. Les miliciens en permission, reconnaissables à la salopette, mono, qu'ils avaient adoptée, remplissaient les rues de leurs chants et de leurs rires, sans voir que la cause était trahie. La révolution morte. Il ne restait plus que la guerre contre le fascisme. La guerre entre deux formes d'esclavage. L'argent, cette peste, avait recommencé son œuvre. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Après une courte visite au syndicat, Lorenzo me conduisit chez des amis, où je fis la connaissance de Francisco et Emilio Ferrer, petit-fils du fondateur de l'école moderne, fusillé à Montjuïc avant la guerre 14-18 pour ses idées. Francisco décida de venir avec nous en Aragon avec celle qui était sa compagne, Giuditta, une Italienne, vieille militante anarchiste chassée d'Italie par l'avènement de Mussolini. Elle avait connu Francisco encore enfant, s'était attachée à lui et ne l'avait plus quitté, jouant auprès de lui le rôle de gouvernante maîtresse. Brave femme, convaincue de la justesse de ses idées, toujours prête à rendre service et à faire tous les sacrifices pour le triomphe de son idéal et le bonheur de San Francisco. À Barcelone, j'ai eu la chance de rencontrer un échantillon d'une espèce qu'il n'est pas facile de découvrir dans la vie courante, même en connaissant son existence. Lorenzo m'avait invité à passer une soirée avec deux filles qu'il avait rencontrées. Elles pouvaient avoir entre 16 et 17 ans. L'après-midi fut délicieuse. La fille qui m'avait choisi pour compagnon de jeu était sympathique, spirituelle, rieuse, et ce qui ne gâchait rien, assez jolie. Je dépensais sans compter, et je poussais Lorenzo à se défaire des billets qui gonflaient ses poches, tant et si bien qu'il se décida à m'avouer que les filles étaient deux professionnels qu'il avait loués pour la soirée et pour la nuit, si cela me faisait plaisir. J'ai toujours aimé la femme, et depuis ma puberté, le seul passe-temps que je préfère est le jeu de l'amour. Mais je n'ai jamais pu m'amuser avec une prostituée que je paye. La pensée qu'elle suppute les gains que lui rapporte ma pratique pendant que je la caresse me coupe toute envie de batifoler. Discrètement, je proposais à ma compagne de laisser tomber Lorenzo et son ami. Elle accepta, et profitant des remous de la foule, nous perdîmes nos compagnons. Attablé à la terrasse d'un café, je lui demandai de me raconter les raisons qui l'avaient poussé à choisir le plus vieux métier du monde. Franchement, je m'attendais à l'éternel et classique baratin sur la mère malade, la famille à nourrir, les petits frères à élever. Elle me dit que depuis toujours, elle faisait ce métier. Toute gosse, elle se faisait caresser pour des bonbons par l'épicier du quartier, puis plus grande pour des jouets et des bijoux de pacotille. À 12 ans, elle s'était laissée faire par un type qui, pour sa complaisance, lui avait offert un collier en or, qu'elle portait encore à son cou. Je l'écoutais raconter tout cela, surpris de voir l'expression candide et sereine de son visage et de ses yeux, comme si ce qu'elle faisait était naturel. Je pensais aux courtisanes, prêtresses de Vénus de l'Antiquité grecque ou romaine. Quand elle eut terminé son récit, je lui exposai ma façon de concevoir les rapports entre un homme et une femme. Puis je lui parlai de la calle et de la petite Angelita. Je ne la regardais pas, en parlant de celui dont la mort m'avait permis de sortir de l'enfer de Perdiguera. L'émotion nouait ma gorge, et mon regard se voilait de larmes. Je revivais ces instants pour moi tragiques. À la fin, je levai les yeux vers elle, les coudes sur la table, le visage serré dans la coupe de ses mains. Ses yeux paraissaient voir une vision lointaine. Je me levai et partis en déposant une poignée de pesetas devant elle. Je n'étais pas très loin de là quand elle me rejoignit en courant, et prenant mon bras, elle remit les billets dans ma poche en disant « Ne me quitte pas encore, rien ne t'appelle nulle part. » Ses yeux étaient rouges. Sa voix tremblait comme celle d'une fillette qui a peur qu'on lui refuse ce qu'elle désire et qu'on la gronde. Nous nous sommes promenés tard dans la nuit, puis je l'ai accompagnée chez elle. Au moment de nous séparer, elle m'a demandé « Quand pars-tu ? » « Peut-être demain, sûrement après-demain. » »« Ici, c'est chez mes parents. Merci. Adios. » »« Merci de quoi ?»« De ne pas avoir voulu coucher avec moi et d'avoir eu la gentillesse de me raccompagner. » Elle ferma la porte et disparut. Je ne lui avais pas demandé son nom, je ne lui avais pas dit le mien. Judita et Francisco Ferrer m'avaient présenté à Maria Ascaso, sœur de Francisco Ascaso, mort le 19 juillet pendant l'attaque de la caserne d'Atarazanas. Durruti, Ascaso, Robert, trois noms, trois hommes célèbres en Espagne et dans toute l'Europe. Tous les journaux avaient parlé de leurs faits et gestes à la suite du meurtre du cardinal Soldevilla et de l'attentat contre le roi Alphonse XIII. Francisco est mort le premier. Buenaventura, quelques mois après, seul Robert en réchappera et viendra se réfugier en France. On me conta chez Maria cette anecdote sur Ascaso, qui témoignait de sa détermination et de son courage. Dans un café d'une petite ville de Catalogne, des phalangistes, autour d'une table, déblatéraient sur la faille et la sénété, et se vantaient de donner une bonne raclée à tout sénétiste qui se présenterait. L'endroit était fréquenté presque exclusivement par des phalangistes. Je dis presque. Car ce soir-là, s'y trouvait quelqu'un qui alla répéter tout de suite les propos qu'il venait d'entendre à Francisco, qui ne se trouvait pas loin. Ascaso entra dans le café, s'approcha de la table où les quatre amis continuaient leur rodomontade, déclina son nom et ses qualités, puis tira, sans sortir son arme de la poche, et disparut avant que les présents ne se soient ressaisis. Tous les villages, bourgs, hameaux de la péninsule ibérique, on parlait d'eux avec admiration et respect. Je me souviens qu'une fois, en 1935, dans une gare où un contrôleur m'avait arrêté car j'avais omis d'acheter mon billet, des paysans m'offrirent l'hospitalité pour la nuit. C'était en Castille, entre Madrid et Tolède. Le hameau se trouvait à une dizaine de kilomètres de la gare, où ces paysans venaient se ravitailler en eau potable, à un wagon-citerne, avec un bourricot chargé de 2 barils. L'animal connaissait si bien le chemin que l'on n'avait pas besoin de le surveiller, on le suivait. Et par la nuit la plus noire, il nous aurait conduits à la maison. Chemin faisant, on parla de la Seine-Été, et le nom de Durruti vint à mes lèvres. Ce fut comme si j'avais nommé un héros de légende, un chevalier de la table ronde, qui allait par les routes du monde, pourchassant les puissants et se penchant sur les misères du petit peuple pour le soulager. À leurs yeux, moi qui partageais ces idées, j'étais devenu une espèce d'apôtre. Braves gens, pauvres paysans de Castille. Dans cette famille de plus de 10 personnes, une seule savait à peine lire et écrire. Une jeune femme estropiée par un coup de pied de mulet lorsqu'elle était encore enfant, et qui vivait dans l'établissement où elle était soignée. Mon court séjour à Barcelone m'apprit que la révolution sociale reculait. La nécessité vitale de gagner la guerre faisait passer au dernier rang les réformes qui nous étaient chères. Pour les anarchistes, la poursuite de la guerre primait surtout. Ils avaient accepté de rentrer dans le gouvernement de Catalogne pour conserver l'unité des forces prolétariennes. On parlait déjà de la réorganisation de l'armée, de sa restructuration en divisions, bataillons. Chez Maria Ascaso, les discussions très animées entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre duraient jusqu'à des heures très avancées de la nuit. J'étais un des adversaires du retour à l'armée classique. Mais mes adversaires avaient un argument de poids. Il fallait gagner la guerre d'abord. Mes compagnons, confiants dans leur combativité, dans la justesse et la bonté de leur idéal, méprisant la conquête du pouvoir pour eux-mêmes, croyaient qu'une fois la paix revenue, les masses ouvrières et paysannes s'organiseraient, suivant l'exemple des collectivités aragonaises et catalanes que nous avions implantées là où nous étions passés. Ils tenaient pour négligeable le fait que tous les partis et organisations en lutte contre les fascistes avaient ouvert leurs portes à n'importe qui pour gonfler leurs effectifs. Ainsi, numériquement parlant, le rapport des forces avait changé, basculant d'un camp à un autre. Dans certaines villes, le Parti communiste, pratiquement inexistant avant le 19 juillet, était devenu majoritaire. Les autres formations politiques aussi voyaient le nombre de leurs adhérents augmenter, mais dans des proportions moindres. La lutte pour le pouvoir était perceptible par tous, même par ceux qui, comme moi, ne côtoyaient pas les hautes sphères de la politique. Le jour où j'avais connu Francisco Ferrer, j'avais également fait la connaissance de Camillo Berneri, professeur de philosophie et conseiller écouté des libertaires d'origine italienne. Je l'avais par la suite souvent rencontré chez Maria. Au fil des discussions, nous avions sympathisé. J'éprouvais un véritable plaisir à l'écouter. Et lui riait lorsque, lui répondant, je poussais mon raisonnement jusqu'à l'absurde. Un soir, le débat s'était engagé sur la possibilité, pour un libertaire, de travailler à son compte et d'ouvrir un atelier. Prenant la parole, j'essayais de lui démontrer qu'avec le temps, si l'affaire prospérait, le libertaire serait porté à agrandir son atelier, à embaucher des ouvriers pour faire face aux commandes et satisfaire les clients. Et un beau jour, l'ancien anarchiste se retrouverait faisant partie d'une organisation patronale et membre honoraire des œuvres de la police pour défendre ses usines et son capital devant les exigences de ses ouvriers et employés. L'anarchiste est un être humain. Il est sujet à toutes les tentations, à toutes les embûches de la société dans laquelle il évolue. l'effort le plus grand qu'il doit fournir est celui qui lui permet de rester, s'il est ouvrier, paysan, employé, ce qu'il est. Si le sort l'a fait naître nanti de tous les biens de la terre, il doit trouver la force de renoncer à son rang et à la fortune, et devenir à son tour quelqu'un qui travaille pour vivre, c'est-à-dire un exploité. Ma tirade m'avait valu la sympathie du professeur, qui en apprenant que je désirais retourner au front, car l'ambiance de la ville commençait à me fatiguer, me proposa de faire le voyage avec lui. Berneri ne se faisait pas d'illusions sur le dénouement de la lutte entre les différentes factions pour la conquête du pouvoir dans l'Espagne antifasciste. Comme je lui citais une phrase de Louise Michel, « Le pouvoir est maudit, il pourrit tous ceux qui l'exercent », il me dit que la bonne Louise avait raison, mais que malgré les défaillances de certains de ses compagnons les plus chers, elle avait continué son combat jusqu'au dernier jour de sa vie, fidèle à son idéal. Il dit aussi qu'il ne fallait jamais désespérer, malgré les échecs, les défaillances, les trahisons. L'humanité marchait vers l'anarchie, c'est-à-dire vers la liberté absolue de tout individu, vers cette forme de société où il n'y aura au livre des lois que deux articles. 1. La liberté d'un individu finit là où la liberté d'un autre commence. 2. Chacun doit produire selon ses possibilités et consommer selon ses nécessités. Puis il me rappela cette phrase d'Élisée Reclus. L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. C'est Camillo Berneri qui me donna de la progression sociale cette image. Le cheminement de l'humanité est comparable, me dit-il, à une migration de fourmis rouges dans les pays tropicaux. Elles avancent en rang, serrées, détruisant toute vie animale ou végétale sur leur route pour se nourrir. Les indigènes allument des feux, creusent des fossés pour les détourner, les arrêter dans leur marche, et protéger ainsi leurs champs, leurs récoltes. Les fourmis avancent. Les premiers rangs étouffent le feu, comblent le fossé plein d'eau. Les autres passent sur les cadavres calcinés ou noyés de ceux qui se sont sacrifiés pour que leur peuple arrive là où il pourra construire la nouvelle cité. Les anarchistes ont été depuis toujours le fer de lance du progrès social vers la liberté absolue de l'être humain. Obligés par les réactionnaires à user de la violence pour défendre ou conquérir les droits à la vie, nous exposons nos idées, mais nous nous refusons toujours à les imposer par la force. L'anarchiste italien Camillo Berneri, contraint à l'exil par le régime mussolinien, fut un militant traqué pendant des années par diverses polices européennes. Venu en Espagne en 1936, il organise la répartition dans les colonnes confédérales des nombreux volontaires italiens venus se battre en Espagne. On les chiffrera plus tard à près d'un millier. Berneri et le socialiste Carlo Rosselli constituent une section italienne de la colonne Ascasso, opérant sur le front de Huesca. Malgré son souhait de rester au front, Berneri se laisse convaincre de rentrer à Barcelone, où il assume de multiples tâches de propagande et de contre-information. Revendiquant un statut de critique indépendant, il rédige le journal Guerra di Classe, dans lequel il invite maintes fois les anarchistes à établir une stratégie en fonction du contexte international. Il insiste beaucoup sur la nécessité de s'allier avec les anticolonialistes marocains. Malgré ses positions, qu'il qualifiera lui-même de centristes, Berneri s'élève fermement contre la participation des anarchistes au gouvernement. Le fait qu'il reste en rapport direct et constant avec les miliciens du Front d'Aragon, dont il relaie les avis et mécontentements, a certainement été déterminant en cela. Dans une lettre publique du 5 novembre 1936 intitulée « Attention tournant dangereux », il réclame que la presse anarchiste se désintoxique d'un malencontreux esprit d'union sacrée, constatant que la CNT et la FAI ont adopté, à l'égard de la normalisation de la Révolution espagnole, une attitude de renoncement. Concilier les nécessités de la guerre, la volonté de la révolution et les aspirations de l'anarchisme. Voilà le problème qu'il faut résoudre. Par ailleurs, dans ses lettres aux miliciens, Berneri n'arrête pas de dénoncer les manœuvres contre-révolutionnaires des communistes espagnols et soviétiques, car tous les anarchistes, à ce moment, ont en tête l'exemple historique des makhnovistes ukrainiens que les bolcheviks ont calomniés et massacrés après les avoir utilisés pour combattre les Russes blancs. L'exigence critique de Berneri et sa vision pragmatique des événements l'amènent à exprimer son pessimisme sur la suite. Le prolétariat français et le prolétariat anglais ne feront rien en faveur du prolétariat espagnol. Il est inutile de nous faire des illusions. Déjà, aujourd'hui, l'Espagne est entre deux feux, Burgos et Moscou. La politique de Madrid est en train de triompher. Elle a refusé des armes et de l'argent à la Catalogne révolutionnaire pour se mettre aux mains de l'URSS. Mais nous pouvons encore faire des miracles. Prise entre les Prussiens et Versailles, la Commune de Paris alluma un incendie qui éclaire encore le monde. Entre Burgos et Madrid, il y a Barcelone. Thank you.